Mais toi, t'aimais pas ça, t'en dis qu'elle explorait ton col. Toi, tu criais, t'en dis qu'elle explorait ton col. Tu secouais surtout, pas s'énerver. La bête s'est installée, surtout pas s'affoler. Une araignée se promenait sur ta chemise. Une araignée te souriait, mais toi t'aimais pas ça. Dans le cou, elle est tombée, un fil, elle a tiré. Va-t'en savoir, là-bas, il fait tout noir. Vers quoi? Va-t'en savoir, là-bas, on peut rien voir. Une araignée se promenait sur ta chemise. Une araignée te souriait, mais toi, t'aimais pas ça. Tu me dis, faudrait m'aider, surtout pour la trouver. Je me suis précipité pour tout déboutonner. Depuis cette aventure, ton cœur tu m'as donné. Depuis cette aventure, moi j'aime les araignées.